Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Marc Chenet et Michel Bilodeau avec vous ce soir. On donne le coup d'envoi avec un xième extrait de Airbag, le nouvel album de Century of the Self, sixième album studio pour ces Norvégiens. Et puis on demeure en Norvège avec Laughing Stock. C'est le second extrait de cet album qu'on vous présente. Le disque a été lancé hier, donc c'est tout récent. Et il a pour titre Shelter. Par la suite, Marc, ben, on demeure en Norvège. Oui, en effet, et ce sera la formation Sorbosses. Et ce sera un extrait de leur album éponyme paru cette année. C'est une formation qui compte dans ses rangs un des membres de Procosmian Fanny Fiddlers, un groupe de rock progressif norvégien qui est considéré assez burlesque. L'album est produit par Rhys Marsh, qu'on a déjà eu la chance de voir en spectacle à Terra Incognita. Ce sera suivi de l'artiste d'origine vénézuélienne Léon Alvarado. Il est basé aux États-Unis et ce sera un extrait de son nouvel album The Changing Tide qui est paru hier. Le 31 mai, c'est son cinquième en carrière, et on aura pour vous un extrait de la longue pièce The Equilibrium of Time. Et comme vous le disait Michel, on débute d'abord l'émission avec la formation norvégienne Airbag. Bleed. Did you believe they'd ever let you go? There's no escape, there is no turning back. You're cancelled now, they'll cancel everything. They'll make us suffer and they'll make us bleed. to the wilderness. Follow me into a world untold. Follow me into the starry night. Follow me, sit by the fire. Give us shelter from the flood. Save our souls and rinse our blood. Give us shelter from the world. Give us truth, give us new birth. Thank you. Thank you. Ça fait seulement 2 semaines que l'édition, la 17e édition du festival Terra Incognita est passée à l'histoire et je suis déjà nostalgique. Cette semaine, ben, je fouillais dans mes archives et je suis tombé sur quelque chose que j'avais complètement oublié et que je suis bien content d'avoir. C'est ce qu'on va écouter ce soir. C'est comme un rappel de l'édition 2023. On va avoir un extrait du concert que Moon Letters a présenté en mai 2023. Et c'est la pièce Those Dark Eyes. Un extrait de l'album Until They Feel the Sun paru en 2019. Et puis Marc, par la suite, ben, on va avoir 2 autres formations qui ont participé à l'édition 2023 de Terra Incognita. Oui, en effet, et non la moindre, on parle ici de la Maschera di Cera, une formation de l'Italie qui ont présenté en 2020 leur plus récent album SEI et qui ont présenté en 2023 un concert mémorable au festival. Plusieurs fans de rock progressif en parlent encore. Alors, on aura pour vous ce soir la pièce Il Segno del Comando et ce sera suivi de la formation suédoise Anecdoten qui ont présenté 2 concerts l'an dernier. On aura une pièce ce soir de leur album V-Mod paru en 1993. On sait qu'ils avaient consacré un concert à l'entièreté de cet album. Alors pour vous ce soir, on aura la pièce Sad Rain. Mais tout d'abord, comme vous le disait Michel, on débute ce bloc musical avec une pièce en spectacle de la formation américaine Moon Letters. Merci beaucoup. Thank you. If you could translate for a friend. These next 3 songs are off our first album, beginning with a request by Michel, coordinating this festival. Thank you so much. Yeah. Thank you. valgono il tuo scettro d'imbecillità nell'impero di mediocrità. Sei troppo drogato per capire che tu sei soltanto un fantoccio nelle mani dei correi. Il cerchio è oltre il senso, non potrai guidarlo mai. Ti guarderà negli occhi mentre siamo affogherai. That she can't see. A distant sound of black rain in the water. The pale moon shining soft through a cloud. The sun is turning black in the horizon. The wind is slowly tearing her apart. That never ends. us from the dirt. Taste the bitter wine of tomorrow. I'm walking on a path that never De retour à l'émission Terra Incognita. Alors, dans le prochain bloc musical, on aura entre autres la formation italienne de Rome Project, qui est un projet du claviériste et compositeur Vincenzo Ricca. Et on aura ici un extrait de leur troisième album paru en 2017. Ils en ont cinq en carrière jusqu'à maintenant. Alors, cette pièce comprend la participation de David Jackson, ex-Vandergraff Generator. On a également Roberto Vitelli à la basse et Daniele Pomo aux batteries et percussions. Et ce sera la pièce Once Were Romans. On aura également la formation Meret de l'Argentine, tirée de leur album Ceremonia, c'est leur seul album jusqu'à maintenant, paru en 2022 avec un extrait de la longue pièce Ceremonias. On aura également une formation japonaise qui a pour nom Electric Asturias. Ils ont été formés dans les années 80 sous le nom de Asturias, se sont séparés puis reformés dans les années 2000 sous les noms de Acoustic Asturias et Electric Asturias. Alors ici, on aura un extrait de leur plus récent album sous le nom de Electric Asturias. C'est l'album Dimensions, paru en 2023, et on aura un extrait de la longue suite qui a pour titre Fourth Dimension Suite. Et pour débuter ce bloc musical, Michel, une jeune formation du Québec qui nous a présenté un excellent concert à Terra Incognita cette année. Oui, on parle de la formation montréalaise In Silva, qui a donné le coup d'envoi de la troisième journée, celle du 19 mai. C'est le projet de Thomas Polichuk, et de Will Régnier, batteur renommé, oui, ça autant dans le prog que dans le jazz. Le groupe nous présentait son premier album qui a pour titre She, et ce soir, on vous présente la pièce Bloodshot Eyes. And I like your tone. The slide phones you words that you owned. It's hard to see what you can't describe. It's hard for the void to make you feel alive. We may never be handed a megaphone to lead the revolt against chances blown. Your bloodshot eyes can now see your way. Soul. You're a masochist and your fist ain't so bold. If there's a story that you'd like to tell, send those muffling hands all the way to hell. May never be handed a megaphone to lead the revolt against chances blown. Your bloodshot eyes can now see your way. It's all bought and sold, but don't let that fact make your heart grow cold. I know all too well how sick one can get. I'm just waiting out some of last night's regret.

Dans le prochain bloc musical, on aura plusieurs pièces de formations qui ont présenté des albums dans le début des années 2010. On aura entre autres Habitat de l'Argentine qui faisait paraître leur album Tratando de respirar en la furia en 2010. Et on aura pour vous les extraits Torres et Etnias. La formation a débuté à la fin des années 80 et ont présenté jusqu'à maintenant 7 albums, dont le plus récent est paru en 2021. On aura également un extrait de l'album concept Decameron 10 Days in 100 Novelas Part 1 qui est paru en 2011, qui est un concept qui comprend 4 CD et plusieurs formations d'un peu partout à travers le monde. On aura ici la formation italienne La Cosa, avec la pièce Horizonte Perduto, et c'est les compositions du compositeur et arrangeur Michele Muti, avec un texte de Alessio Caglioni. Et pour débuter ce bloc musical, Michel, un souvenir d'une formation du Royaume-Uni qui a présenté 2 albums sous le titre de English Electric. Avec autant d'indices, je pense que tout le monde a compris qu'on parle de Big Big Train. On va vous présenter un extrait de English Electric Part 1. C'est paru en 2012 et on écoute à l'instant la pièce Winchester from St. Giles Hill. Dream. inventando tutto. E l'altra parte che non è mica vero che è finta. E dopo non ci sarebbe più. Eppure sono io anche quella. Sì, ma sono più questa. O quell'altra. Thank you. conclure l'émission de ce soir, on a retenu une formation italienne dont on attend des nouvelles depuis quelques années, Mogador. On vous présente ce soir un extrait du second album du groupe qui a pour titre All I Am Is Of My Own Making. C'est paru en 2010 et c'est la pièce Homely Smells Again. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 21h. Merci d'être toujours fidèles au rendez-vous. Restez des nôtres, l'autoroute suit dans quelques instants et on vous souhaite une excellente nuit à l'écoute de CKRL. They provided the car to take him home. It wasn't far, they asked if he lived alone. They didn't wait to hear his reply. He turned the key of the door, stepped over the post on the floor. He headed for the bed to rest his head. Finally, homely smells again. Took the stairs.